passe le point de non-retour. Nos mains se cherchent, le grand moment arrive, enfin l'étreinte. Passent les liens du cœur, du sang. Pourquoi te battre? Abandonne nos excès, l'ultime enceinte. Vers quel enfer afflurons-nous? Parviendrons-nous jusqu'à sa porte? Quel grand brasier est là pour nous? Le point de non-retour. Plus rien à craindre. L'essence triomphe et le cœur reste sourd au bord du point de solitude. See.